lâcherai pas le son même si ça met 1000 ans. J'achète des fracas, dans le mille j'attends. L'heure met que des fans, derrière nous laisse des défunts. Cup, ma sotte la con, c'est là, j'roule un bédo. Ça veut prendre mon numéro, t'es un smith gros chinéo. J'suis rabat sous les néons, MGP dans le mélange. Lyon et ses méandres, ça me tait ma bouche béante. Et là, j'prends du recul, la frappe en véhicule. Avec le poteau, on a les gros, les testicules. Toi, t'es bon qu'à brailler, comme un chien à aboyer. C'est dommage, la caravane est pas passée. Toi, t'es bon qu'à brailler, comme un chien à aboyer. C'est dommage, la caravane est déjà passée. Pilote le navire comme barbe noire, drapeau noir dessus, y'a tête de mort, potion magique, je ne bois pas de rhum, cite pas mon nom comme suite vol de mort, je ne prends sans d'or comme roi d'Europe, pour la baiser, je ne ferai pas d'effort, comme un riche combat le mauvais sort, la dope sera toujours sous bonne escorte, or africain sur le dentier, baby dealer que je suis entier, face au face n'est pas né pour ramper, le 45 et j'arrive en paix, la mafia qui peut être 5-4, si tu veux guess me rate pas, si tu veux me faire la rate pas le nouveau fer, je ratise la zone comme un fou, s'il y a de l'oseille à se mettre dans la fouille, je vais pas rester croix croisé sur la touche. Et je le pète, je me le shit des fêtes. Leur flow je le défais, quoi être dans le jeu zéro défaite. Avec les rêves, veux que l'Olympia fait ta sa défaite. T'es pas pareil pour l'Olympia de rafale dans les pecs. Je vais pas trop me répéter, j'ai gilet, je fais carrément ces mecs. Bon, je veux que le bénéf de Billy pull up sur ses necks. Ces gars, je les rends bête. Ces gars, je les rends bête, je suis avec les rocs comme dans Pec. Ouais, même level négro, j'ai vrai shit comme you peux faire. Nouvelle con, j'ai 28, fuck ta bitch qui fait la belle. Je vous aime pas comme les flics, fuck ta clique, fuck ton bendo. Gros pour le fric, trouve-moi dans toute la France comme un Enzo. Bientôt gros la Benzo, ensuite ça l'air à Benzé. Tu pull up en Kenzo, mais tu peux pas la baiser. Je préfère Kenny le réseau, puis graille le poulet braisé. Gros, je suis dans ta neuse, mais je suis ce négro aisé. C'est pas nécessaire de faire le fou, je vois que tu parles, ils font les messies. Mais moi je crois pas trop en eux, j'arrête de mettre toutes ces barrières dans mon rap, hein. Donc maintenant je vais même plus appeler ça du rap. Ils ont la dalle, pas pire que nous pour rester dans le jeu. Elle fera l'affaire mais qui se décale pour les bad bitch. Faut que les prolétaires qui tissent des cannes ont visé dans le centre ensemble, grande force. Content ou pas content, je fous la merde, on transporte. Que du charisme et du vrai, bonne vie, plein de scènes. Et cette bitch m'observe, hein. J'ai la salade comme S, on fait la parade comme esprit. J'y vois un taux de stress que j'irai pas passer le permis, hein. Et je suis mauvais quand elle tisse le cup. Prise de peur, fais pas la belle, t'en prends 10 de top. Fils de pute, 10 de cœur, oui, je t'étonne trop. R, t'auras pas un meilleur 16.